Le regard de Nadia par Jean-Pierre Bouguier, œuvre publiée sous licence Creative Commons, BYNCND 3.0. Image de couverture, peinture de Gerhard Richter, détail, cliché Jean-Pierre Bouguier 2012. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Le regard de Nadia. Les parents de Nadia, 10 ans, avaient décidé de l'emmener déjeuner en ville. Elle marchait vite, entre eux, ils parlaient peu, par fragments. Le vent doux rendait les corps plus légers, comme les vêtements choisis pour ce dimanche de fin d'été. Peu de circulation sur les boulevards et les avenues. Nadia ne connaissait pas le quartier. Au début, elle percevait, sans vraiment regarder, l'assemblage coloré des vitrines, des enseignes, des autos, jusqu'à ce que quelque chose change. La nonchalance du moment se lézarda lorsque l'œil de Nadia s'attarda, sous un porche, sur des amoncellements de cartonnage, avec une forme allongée derrière et des bouteilles vides tout autour. Plus loin, des sacs de couchage posés à même l'asphalte dessinaient les corps immobiles de dormeurs du plein jour. De l'autre côté de la rue, des personnes hirsutes, mal vêtues, parlaient fort et riaient en gesticulant. Nadia ralentit. Elle se retourna une fois, puis deux. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda sa mère. Nadia hésita. « Pourquoi ils sont là, comme ça, tous ces gens ?» Sa mère suivit son regard. « Tout le monde ne vit pas pareil. Ils dorment dehors ?» Un silence. « Ça arrive. » Le père s'approcha. « Il y a des gens qui ont moins. Moins d'argent, moins de chance. Les deux. » Nadia ne répondit pas. Elle regardait toujours avec grande attention. Elle sentit quelque chose de froid lui traverser le ventre. Régulièrement sur leur chemin, depuis qu'ils étaient entrés dans le cœur de la ville, des hommes et des femmes, parfois avec des enfants ou des chiens, les regardaient passer avec une tristesse grave. Comme si défilaient devant eux les ombres anciennes de ce qu'ils avaient été. Certains mendiaient, ils se signalaient en posant sur le trottoir une timbale en carton ou une casquette malpropre. Ils bredouillaient une justification de l'aumône attendue, juste une phrase très courte, afin que le piéton puisse décider rapidement. Et ils appuyaient d'un geste là l'explication laconique. Pas manger, ou nourrir les enfants. Ou bien encore pouvoir me laver. On devrait commencer par donner une petite pièce, osa Nadia. Si tu veux. Nadia fouilla dans sa poche et trouva les pièces de monnaie qu'on lui avait rendues à la boulangerie. Décidée, elle se dirigea vers une femme engoncée, malgré la saison, dans de multiples vêtements amples et multicolores, dépareillés. Elle était assise sur le sol devant un petit carton qui expliquait, dans un français approximatif, les motifs qui la poussaient à mendier. Il était question de nourrir de nombreux enfants, de trouver un toit pour la nuit et de pouvoir se laver. Nadia fit rapidement le compte. Pouvoir se laver valait une bonne petite pièce, mais nourrir des enfants en valait bien deux autres, et dormir sous un toit appelait toutes les autres. Nadia saisit au fond de sa poche la poignée de monnaie. Elle se tenait maintenant au plus près de la femme, qui marmonnait dans sa langue maternelle une demande informe, en tendant une main ridée. Elle fixait Nadia avec toute l'intensité de ses yeux d'un noir profond. Nadia eut-elle peur des lignes sombres dans la main tannée, ou bien ne supporta-t-elle pas le regard insistant de la femme ? Elle précipita ses intentions. Ouvrit brusquement sa main sur le carton explicatif posé devant la femme, sans prendre garde à quelques pièces sans discipline qui roulaient sur le trottoir. Nadia retourna en courant auprès de ses parents qui s'étaient arrêtés et observaient attentivement les élans charitables de leur enfant. Son cœur se serrait, elle ne savait pourquoi. Elle était décontenancée. Ils poursuivirent vers son but leur randonnée urbaine. Au restaurant, on les installa près de la vitre qui donnait sur un vaste boulevard. Nadia regardait dehors. Elle observait les gens qui passaient, toutes sortes de gens habillés de mille façons différentes, de toutes origines, évoluaient à pied, en vélo ou en trottinette. Nadia chercha et ne vit aucun mendiant. Nadia se décida pour un filet de poisson avec des légumes à la vapeur. Ses parents optèrent pour un immense plateau de fruits de mer. Son assiette arriva rapidement. Ça sentait bon, elle avait faim, mais quelque chose la préoccupait. En attendant que ses parents soient servis, elle commença d'écraser lentement les légumes avec sa fourchette. Un coup sec la surprit, juste à côté d'elle. Elle leva la tête, un homme était là, collé à la vitre, ses mains en visière, son visage très proche, trop proche. Nadia fixa ses yeux, il la regardait, elle, pas les autres, elle. Il tapa encore, trois coups sonores d'un index puissant. Il porta ses doigts à sa bouche. Nadia restait immobile, le ventre serré. Autour d'elle, les conversations s'étaient arrêtées. L'homme frappa encore. Nadia regarda son assiette. Puis lui, il l'interpellait, elle, précisément. Elle était sommée de répondre. Nadia détaillait la barbe de plusieurs jours, la balafre sur le cou. Les cheveux pendaient, très emmêlés, sur les épaules d'une veste trop petite qui avait dû être élégante. Nadia revenait régulièrement vers les yeux de cet homme, comme aimantée par leur bleu insistant. Toute la salle dévisageait l'intrus. Déjà, un serveur se dirigeait vers l'extérieur pour chasser le perturbateur. Nadia était pétrifiée. L'homme la sollicitait du regard, fixant alternativement l'assiette de Nadia et ses yeux dans lesquels il semblait enfoncer une aiguille. L'homme s'impatienta, il heurta du front la vitrine, d'abord lentement, puis de façon plus affirmée. Le bruit de l'impact du crâne sur le verre résonnait dans toute la salle de restaurant, stupéfaite d'une telle audace. Certains craignaient que la vitrine cède. Résolue, Nadia prit son assiette, bouscula sa chaise et se précipita vers la sortie. Elle entendit que ses parents s'étaient tout de suite levés, son père s'était lancé sur ses talons. Elle posa l'assiette près de l'inconnu sur une table vide de la terrasse. Il s'assit aussitôt de travers, prêt à s'esquiver, et se mit immédiatement à manger, vite, sans un mot, avec ses doigts. Nadia recula légèrement. Elle regardait, fascinée, le balai incessant des mains vers la bouche. Tout en mangeant rapidement, l'inconnu surveillait les alentours, les balayant des yeux furtivement, le front baissé sur l'assiette. Nadia n'était pas encore rentrée, elle se tenait sur le seuil, près de son père. Elle s'assit sur les marches et posa une main sur la chaussure de son père. Elle observait. La bouche pleine, l'homme finit par lui dire merci, rien d'autre. Nadia s'aperçut alors que son père, juste à côté d'elle, lui parlait depuis un moment. « Tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu encourages le vice, la mendicité. » Il la ramena à l'intérieur. Il parlait. Elle n'écoutait pas. Nadia se laissa conduire, mais conserva le regard tourné vers l'homme qui dévorait. Elle semblait fascinée par cette urgence de la faim, qui n'avait rien à voir avec le bon appétit convenable des convives polissés attablés dans le restaurant, à demi cachés par les carapaces et les pâtes qui ornaient leurs plateaux de fruits de la mer. Nadia se rassit, le regard toujours attaché au mendiant. Elle le vit s'enfuir et disparaître dans le flux de la rue, en courant. L'assiette était vide. La conversation de ses parents prit un tour sérieux, malgré les huîtres, les langoustines et les crabes. Nadia faisait semblant d'écouter les bavardes admonestations. Elle n'avait pas dit un seul mot depuis qu'elle avait décidé de quitter sa chaise avec son assiette. Une aigreur stationnait dans son estomac. Malgré elle, les images revenaient. Le regard, les mains sales, la bouche pleine et avide, les cheveux, les coups sur la vitre, et les yeux surtout, les yeux. À ce moment précis, le garçon posa triomphant une nouvelle assiette devant Nadia, en vantant haut et fort le bon cœur de Nadia. Entendant cela, les clients des tables voisines applaudirent. Nadia se sentait confuse, perdue. Elle ressentit bientôt un étourdissement, sa tête vacillait, un goût acide envahit sa bouche, son estomac exprimait une rébellion. Nadia se leva, mais trop tard, elle vomit d'un jet le long de la vitrine le peu qu'elle avait avalé. Dans l'ennui durable de l'enfant unique, Nadia s'était aménagé un répit assuré, régulier. La nuit où elle dissimulait tous ses secrets, ses pensées folles, ses rêves merveilleux et ses cauchemars insensés. Elle aimait se pelotonner, hiver comme été, dans les draps ou les couvertures, lovée dans les odeurs chaudes de son corps fatigué de la journée passée, l'esprit frais, tout prêt à l'invention d'une aventure nouvelle. Cette fiction dont elle était l'héroïne constituait le nécessaire préalable d'un heureux sommeil. Souvent, celui-ci proposait des développements inattendus du récit imaginé par celle qui s'endormait peu à peu. Elle avait ses nuits comme d'autres de son âge avaient leur lecture, leur musique, leur flirt, leur garde-robe ou leurs chaussures. Elle y tenait. Il lui semblait ainsi agir plus concrètement que dans le cours ordinaire de sa vie diurne. Le lendemain du restaurant, elle dormait bien lorsqu'elle ressentit soudain le désir de boire un verre d'eau. Alors qu'elle buvait, un bruit inaccoutumé lui fit dresser l'oreille. Elle perçut une longue mélopée qu'elle ne parvenait pas à identifier. Un cri, un chant, un appel, une plainte. Elle tira le rideau, ouvrit la fenêtre. C'était le cœur de la nuit. Quelqu'un, derrière la rangée d'arbres, en face de l'immeuble, faisait entendre une déploration psalmodiée. D'abord, une note unique, dont l'émission semblait perpétuellement variée, plus sourde, plus sonore, voilée ou explosive, une mélopée incroyablement lente suivait cette première note. Nadia écouta longuement. Elle n'identifiait aucune syllabe. Elle ne percevait que le cœur meurtri de la personne fiévreuse qui chantait ou criait une tristesse infinie. Nadia pensa qu'il s'agissait d'un appel au secours. Peut-être était-elle seule à le ressentir. Peut-être ne s'adressait-il qu'à elle, à elle en particulier. Elle ne pouvait demeurer impassible. La déploration la touchait. Elle n'aurait pu se rendormir en ignorant cet appel. Elle imagina un instant l'affamé auquel elle avait hier donné son assiette était peut-être ce chanteur nocturne. Il lui fallait l'aider. Elle mit sa robe de chambre, prit du pain et du chocolat dans la cuisine. Pourquoi fit-elle cela? L'enchaînement rapide des gestes suivit sa détermination, sans autre question. Elle sortit de l'appartement sans faire claquer la porte. Nadia ressentait dans son corps une forme de fébrilité, la nécessité urgente qui entourait le son. Au pied de l'immeuble, elle se dirigea vers cette plainte qui se prolongeait, apparemment plus lointaine qu'il ne lui avait semblé à la fenêtre de l'appartement du 7e étage. Elle slaloma entre les véhicules du parking, parvint au rideau d'arbres qui marque la limite d'un ancien square. L'air était froid. Elle suivit le son. Elle s'avança sous les arbres, prudemment dans la terre grasse, sous ses pantoufles. Ses yeux s'habituèrent peu à peu à l'obscurité. Elle crut voir d'abord, mais ne vit rien. Elle progressa encore, un pas après l'autre. Le son se faisait plus proche. Il lui sembla qu'il émanait d'un buisson qu'elle discernait devant elle. Elle n'était sûre de rien. Un peu de vent dans les arbres laissait passer par intermittence l'éclairage public de la rue voisine. Nadia comprit alors qu'on avait construit le long d'un muret un abri fait de carton, de feuilles de plastique et de bidons. Quelqu'un vivait donc ici, une ou des personnes dont Nadia percevait la voix. Elle écouta encore un bon moment, comme fascinée par le chant plaintif. Le souffle semblait terriblement allongé, interminable. Entendu ainsi de plus près, le son paraissait composé des couleurs délicates, de plusieurs voix mêlées, chantant ensemble, en passant du cri au murmure. Ces tressages d'harmonique émouvaient Nadia. Des voix d'hommes pleuraient en musique. Nadia était envoûtée par ces moirures inouïes. Elle tendait l'oreille pour ne rien perdre des nuances. À l'affût, les deux pieds serrés, le buste légèrement avancé vers le buisson, elle espérait distinguer d'autres bruits, peut-être entrevoir une silhouette. Mais elle ne percevait rien, seulement un appel chanté dans la nuit, interrompu à intervalles réguliers par la nécessité de reprendre souffle. Un cri délibéré, volontaire, un signal. Nadia se sentit tout à coup impuissante face à la détermination de cette étrange manifestation humaine. Après hésitation, elle se permit cependant de se signaler et d'une voix très timide, entre deux couplets, elle risqua « Monsieur, monsieur, puis-je vous aider ?» Un silence chargé s'ensuivit. Nadia devinait qu'on s'inquiétait de son inquisition inattendue. elle-même ne savait nullement comment sa requête pouvait être reçue. Pendant de longues secondes, peut-être 10 ou 15, Nadia ne perçut plus un bruit, pas même une respiration. Les deux parties s'épiaient. Nadia faisait effort pour lire dans la pénombre tous les signes qui l'auraient aidé à comprendre. Tout à coup, entre deux cartons que l'on avait sans doute légèrement écartés, Nadia crut discerner un œil noir qui la scrutait attentivement. Elle prit peur, recula un peu, puis balbutia très bas « Excusez-moi !» et s'esquiva en trottinant sans regarder derrière elle. Elle s'arrêta bientôt comme prise de remords et retourna sur ses pas. Revenue près de la maison de carton, elle chercha le regard noir. Il avait disparu, ou bien elle ne le vit pas. Elle déposa sur une pierre le pain et le chocolat en bredouillant « Voilà de quoi manger !» Et elle détala encore plus rapidement que la première fois. Elle remonta chez elle, regarda un peu par la fenêtre, essayant de localiser dans la masse des arbres l'endroit où elle avait posé ses offrandes. En vain, elle entr'ouvrit la fenêtre de sa chambre et se coucha. Nadia tendit l'oreille, n'entendit rien de ce qui l'avait troublée. Aucun cri, aucun chant. Personne ne parlait dehors. Rien à écouter d'autre que le doux froufrou des feuilles dans le vent très léger de l'aube. Elle s'endormit, elle rêva peu après qu'elle sautait en parachute, de nuit, au-dessus d'une forêt très dense. Le lendemain, sur le chemin de l'école, elle fit le détour vers le square abandonné. Elle finit par trouver le pain et le chocolat qu'elle avait déposés. Un animal avait commencé de manger le pain par le milieu. Cela déplut à Nadia. Elle leva le regard pour inspecter les alentours. Un grand nombre de cartons brunâtres étaient soigneusement disposés sur le muret effondré du square promis au promoteur. Des pierres étaient posées sur les cartonnages pour les maintenir en place malgré le vent. Des feuilles de plastique complétaient la construction. Cet empilement semblait dessiner une sorte de couloir le long du mur de pierre. Les cartons et le plastique composaient au-dessus de ce corridor un toit isolant de la pluie et du froid. Nadia trouva le dispositif ingénieux. Elle comprit que les feuilles de plastique l'avaient effrayée la nuit précédente en bougeant dans le vent. Une tête hirsute sortit de la tranchée et la fixa hardiment, sans sourire, roide. Nadia se crispa un instant, regarda la tête, attendit un mot, une expression du visage. Puis elle articula lentement « J'ai déposé du pain et du chocolat sur la pierre, si vous avez besoin. » Un rire épais suivit la déclaration de Nadia. L'homme s'était un peu avancé hors de sa retraite. On devinait maintenant son torse nu, très hâlé et tatoué d'encres et de sirènes. Il finit par répondre « Prenez pas peine, nous avons le manger du restaurant là-bas. Nous donne le trop, gardez pain, chocolat, parents en colère. » L'homme rit à nouveau, plus légèrement. Nadia sourit, il n'avait pas tort. Ses parents s'étaient étonnés de la disparition du pain du petit-déjeuner. Nadia osa alors poser la question qui la préoccupait depuis la veille. « Que chantez-vous la nuit? C'est beau, mais c'est triste. » L'homme fronçait les sourcils, faisant effort pour bien comprendre ce que Nadia avait prononcé fort distinctement. Il soupira, haussa les épaules, soupira encore, se détourna et répondit sans regarder Nadia. Elle tendait l'oreille, car il parlait de moins en moins fort. Nostalgie, pays, chant de la maman là-bas, restez. Loin Bulgarie, chant des montagnes. L'homme voulait exprimer quelque chose d'autre, mais les mots lui manquaient, l'émotion le gagnait. Il fit alors un geste du bras, indiquant à la fois qu'il prenait congé et qu'il ne pouvait parler davantage sans exhiber cette tristesse qui avait touché Nadia. Il n'était pas décent de montrer cela au grand soleil. La nuit seule pouvait l'entendre. Le corps musclé et tatoué rejoignit les profondeurs de la caverne de carton. Nadia dit au revoir dans le vide et s'enfuit vers l'école où elle arriva en retard. En classe, dès le début de la matinée, elle leva la main. L'instituteur lui donna la parole. « Monsieur, ça veut dire quoi, nostalgie ?» Ici se termine « Le regard de Nadia » de Jean-Pierre Bouguier.